Nous sommes une communauté diverse, mais nous sommes une communauté de résistants. Nous pouvons être fiers et fiers de notre marque de fierté, fiers et fiers de notre diversité. Notre communauté de résistance ici, en Gironde, se poursuivra. Thank you.